Pourquoi un moujik aima son frère aîné. Histoire vraie. J'aimais déjà beaucoup mon frère aîné, mais je l'aime plus encore depuis qu'il m'a remplacé sous les drapeaux. Voici comment la chose se passa. Nous tirâmes au sort pour savoir lequel de nous partirait. Le sort me désigna, et il n'y avait à peine 8 jours que j'étais mariée. J'étais très affligée d'être obligée de laisser ainsi ma jeune femme. Ma mère se mit à pleurer et dit « Comment Petrouchka, diminutif de Piotr, Pierre, pourra-t-il partir? Il est si jeune !» Mais il n'y avait rien à faire. On procéda aux préparatifs du départ. Ma femme me fit des chemises, me donna de l'argent, car je devais me rendre le lendemain au bureau de recrutement. Ma mère se désolait, et moi, quand je songeais qu'il fallait partir, je sentais mon cœur se serrer comme si je devais aller à la mort. Le soir, nous étions tous réunis pour le souper. Personne ne mangeait. Mon frère aîné, Nikolai, restait couché sur le fourneau et ne disait rien. Ma jeune femme pleurait. Mon père restait sombre. Et ma mère avait posé sur la table la cacha, mais personne n'y touchait. Ma mère commença à appeler Nikolai pour souper. Il descendit, fit un signe de croix, s'assit à table et dit « Ne pleure pas, ma mère, je remplacerai Petrouchka, je suis plus âgée que lui. Je ne serai peut-être pas perdue, je ferai mon temps et je reviendrai à la maison. Quant à toi, Piotr, pendant mon absence, protège mon père, ma mère, respecte ma femme. » Je deviens très gaie à cette nouvelle. Ma mère cessa de pleurer et l'on commença les préparatifs du départ de Nikolai. Le lendemain, en m'éveillant, lorsque je songeais que mon frère allait partir pour moi, j'eus le cœur gros et je lui dis « Ne pars pas, Nicolas, c'est à moi de partir, le sort l'a voulu. » Lui ne répondit rien et continua à se préparer. Moi, je me préparais aussi. Nous partîmes tous deux pour la ville. Arrivé au bureau de recrutement, il se présenta et je me présentai aussi. Tous deux, nous sommes de forts gaillards. Nous restons et l'on ne nous exempte pas. Mon frère aîné me regarda, sourit et dit « Assez donc, Piotr. Retourne à la maison et ne vous ennuyez pas sans moi. Je pars de ma propre volonté. » Je fondis en larmes et je revins à la maison. Depuis, quand je songe à mon frère, je sens que je suis prête à donner ma vie pour lui.